Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Samedi 16 avril, veuillez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Excellent après-midi, je vous ai ramené le soleil en plus cet après-midi, donc c'est génial. On va en profiter au maximum. Flycase avec cette semaine pas mal de changements, pas mal de remue-ménage. C'est le grand nettoyage de printemps. Peut-être un nouveau numéro 1, en tous les cas c'était la semaine dernière. Denise Cruz avec C-Line, la reprise de Nina Simone. En sera-t-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. En attendant, 4 entrées et 4 sorties. Flycase. Ah bah oui, on vous l'a dit, ça bouge cette semaine. DJ Fuge en sortie avec Make It Right. La sortie également de Lovebirds avec National. Ouais, ça va nous faire bizarre, un ex numéro 1 également qui nous quitte, Riton et Calo avec Rinse and Repeat. Et enfin la quatrième et dernière sortie, Season avec Do You. Numéro 20. Allez, on y va tout de suite avec la lanterne rouge cette semaine dans ce classement du Flycase. 5 places au moins pour mieux avec REJ. Je rigolais hein, quand je disais le soleil, il pleut comme une vache qui pisse. Nous sommes en direct, eh oui. numéro 19. Fly Gaze, nouveauté. Et les 20 titres incontournables, c'est tous les samedis entre 16h et 18h. Et puis on vous l'a dit, hein, ça bouge pas mal cette semaine. C'est le grand nettoyage de printemps. 4 entrées cette semaine. La première, on vient de se l'écouter à l'instant, c'était Carrier District avec Techno Disco. C'est un remix de Kink numéro 19 et numéro 20, juste pour un moment, Mute avec REJ. C'est la lanterne rouge. Ça perd 5 places. C'est à vous de redresser la situation sur Facebook, Flycase, bien évidemment. Et puis cet après-midi, on vous l'a dit, c'est un temps brave. C'est l'occasion peut-être d'aller s'enfermer chez les disquaires, pourquoi pas, puisque c'est la journée vinyle day. La journée Vinyl Day, donc où l'on fête les vinyles, et notamment chez Phil, que vous retrouvez sur Galaxy tous les mercredis entre 19h et 20h dans l'émission 100% vinyle. Il a son magasin disque du côté de Wamobac, c'est rue de Demey numéro 7, c'est entre Tournai et Mons, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer là-bas, et l'occasion également de découvrir entre midi et 3h du mat. Ouverture exceptionnelle ce soir, et une quinzaine de DJ qui se relaieront aux platines, notamment Michael H, Digitom, Andy Clay et Michael Forza, et puis tous les autres, hein, J.R. from Dallas également, Pat Lesbo, Main Grips, John et la Forge, Bianco, enfin il y a plein de monde. Rendez-vous là-bas, question de passer un bon moment Vinyl Day, bien évidemment. Restez avec nous, vous êtes sur Galaxy, c'est le Flycase. Les 20 titres indispensables sur Galaxy numéro 18. Thank you. Simple, but I want you to know that you're evoking my emotions, got me out of 20 titres qui te font bouger. Numéro 16. If house is a nation, I wanna be president, president. Titre incontournable tous les samedis entre 16h et 18h. C'était entré la semaine dernière. Ça gagne une petite place qui va doucement, va sûrement. En tous les cas, un DJ Roland Clark numéro 16 avec House Nation numéro 17. Une place de mieux pour le titre de Neon Judgment, la reprise TV Treated. Ça vient d'être remixé par Dave Clark qui est numéro 18. Ça perd cette place. Grosse gamelle. C'est d'ailleurs la plus grosse gamelle pour cette semaine. Sony Foder et Yasmin avec Feeling You. C'est à vous de redresser la situation. Je vous rappelle Facebook Flykez. On attend tous vos votes et puis toutes vos propositions également. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy, et la tribu de DJ sera au rendez-vous sur Galaxy à partir de 20h avec Jérôme B, à partir de 21h Franck Lido, 22h DJ Tom, 23h Marty, à partir de minuit Storm, 1h du mat DJ Gus, et à 4h du mat pour clôturer cette soirée jusqu'à 5h, ce sera Pierre Terry. Tout de suite, on se fait une petite proposition d'entrée pour la semaine prochaine. C'est d'ailleurs une proposition que vous nous avez faite sur Facebook. Flykez, n'oubliez jamais de nous proposer des trucs. C'est un titre qui cartonne en Belgique. Ça s'appelle Usul Selkuk et le titre Out of My Head. C'est à vous de voter Facebook Flykez. I'm not in my head. Can't see the end. I'm falling further into sin. Qu'est-ce que c'était excellent aussi. D'ailleurs, vous nous avez appelé pour savoir les références de ce titre. Ça s'appelle Disclosure et Eliza Doolittle. C'était il y a quelques années. Ça s'appelle You and Me. Et c'est un remix de Flume. Si ça vous dit quelque chose, ben, c'était tout simplement une pub télé également pour une marque de vêtements qui s'appelait Lacoste. Voilà, gros rendez-vous à ne pas manquer également. J'allais vous en parler maintenant. La soirée Galaxy Retro House Legend. C'est la 14e édition. Ça se déroulera tout simplement du côté du Zoo Club. Pour cette 14e édition, la Galaxy Retro House Legend investit un endroit que vous connaissez forcément. Les plus anciens l'ont connu sous différents noms, le Pure ou encore le Sub à l'époque. Eh bien, c'est bien le Zoo Club que l'on vous donne rendez-vous. Ça fêtera également son 5e anniversaire, la Retro House Legend, 14e édition, avec en invité exceptionnel Fred Baker, aka DJ Babac et encore Johan. Il y aura également les DJ de Galaxy, DJ Dan, DJ Sky, Will Turner, Guy Anton, Silver C et Jimmy. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La soirée sera enregistrée et diffusée également en direct. Vous en avez l'habitude maintenant, hein, la chaîne YouTube, bien évidemment. Et puis, il y a des préventes. Question d'être sûr et certain d'avoir vos places. En France, c'est chez Bustop à Euralille. Également chez Recto Verso. Ça se trouve au village commercial Lester à Ouescal. Alors, pour la Belgique, la station Q8 à Ertin, station Q8 à Néchin. Et également, le Café Loco, ça se trouve à Lezan-Hainaut, face à la gare. C'est en Belgique. Et puis, évidemment, Galaxy, ici, en matinée, en semaine, entre 7h et 13h. Et également, 16h-20h. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est l'entrée est fixée à 10 euros. Donc, restez avec nous. Vous êtes sur Galaxy. La suite du Flycase, c'est maintenant. Les 20 indispensables. C'est Flycase numéro 15. Flycase nouveauté. Nouveauté. Ah ben voilà, deuxième nouveauté pour cette semaine dans ce classement du Flycase. C'est la 15e position. Ça s'appelle Men Without a Clue. C'est le nom du groupe Push Me Around. encore une petite découverte au Galaxy. Tiens, classé dans le Flycase numéro 14, ça gagne deux places cette semaine. Le titre Fine Base avec Rotendo est numéro 15 juste auparavant. C'était la seconde entrée. Et il y en a 4 au total cette semaine. Je vous rappelle, Man Without a Clue avec Push Me Around. C'était la position numéro 15. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase numéro 13. C'est un message, une histoire. Thank you. Galaxy, petite découverte même carrément, proposition entrée pour la semaine prochaine dans ce classement. C'est à vous de noter Facebook Flycast, c'était Kurt Bagalé à l'instant avec Winterland et c'est un remix de Peter Dunduff. Bon après-midi, restez avec nous, il est 17h. Flycase numéro 20. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer évidemment. Tout de suite voici le récapitulatif si vous avez manqué cette première heure. Déjà c'est pas bien. Et voici la position numéro 20 et la position numéro 11. Numéro 20 cette semaine, l'antenne en rouge, ça perd 5 places, Mute avec ROJ. Numéro 19, la première entrée pour cette semaine, il y en a 4 au total. Carrier District avec Techno Disco. Numéro 18. La plus grosse gamelle pour cette semaine, c'est Soli Fodera et Yasmine. Numéro 18, ça perd 7 places, Feeling You. Numéro 17, c'est le remix de Def Clark de Neon Judgment, vieux titre des années 70, TV Rated. Numéro 17, ça gagne une place. Numéro 16. Numéro 16, c'était une entrée la semaine dernière, ça gagne une petite place. DJ Roland Clark avec House Nation. Numéro 16. Numéro 15, c'est la seconde entrée pour cette semaine, Men Without a Clue. On vous l'avait proposé la semaine dernière, Push Me Around, le voici rentré. Numéro 14. Numéro 14, c'est une deux places, petite découverte au Galaxy également, Fine Bass avec Rotendo. Oxia, ça perd 5 places, ça quitte les 10 premiers, numéro 13, Feeling, le remix Olivier et Giacomoto. Numéro 12. Koyou avec le grand retour dans ce classement depuis quelques semaines d'ailleurs, ça perd 3 places malgré tout. Who's wearing the trouser, numéro 12. Numéro 11. Et enfin un titre qui quitte les 10 premiers également avec numéro 1, Garson Jackson avec Take It Easy, le remix de Soli Fodera et Matt Joe. Numéro 10. Allez, on est parti d'attaque avec les 10 premiers sous classement. Autrement dit, il y a 4 entrées cette semaine, il y en a encore 2 qui s'y cachent. Tout de suite, voici les positions numéro 10. En attendant, voici Bassy Grubb avec le titre Oh Baby Dance. 3 places de mieux, numéro 10. We'll be right back. Fly Case. Les 20 titres indispensables. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 9. Fly Case, nouveauté. Enfin, dans ce classement du Flycase, c'était la position numéro 9, c'était la troisième entrée pour cette semaine. Il y en a 4 au total. Detroit Single avec le titre House Music et numéro 10, justement avant. 3 places de mieux pour le titre de Bassy Grub avec Oh Baby Dance. Bon après-midi, 17h10. Restez avec nous, les 8 meilleurs, c'est dans un instant. Les 20 titres indispensables. Yeah, yeah. Flycase. Numéro 8. I see you looking at all the things I took in. Who

On adore toujours autant ce titre. Hein. Ça s'appelle Jane Faris à l'instant avec Time. Ça perd une petite place, numéro 6. Trois places de moins également pour It's Everything, ex numéro 1. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Big Disc. Ça perd trois places cette semaine, numéro 7. Et pointé numéro 8 juste auparavant, c'était Clone Vance Rock avec Mind Your Business. C'est le grand retour également de Clone Vance Rock dans ce classement du Flycase. Tiens, on va vous parler des soirées tout de suite. Hein. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy, à partir de 20h, c'est Jérôme B. Vous allez retrouver 21h Franck Lido, 22h DJ Tom. À partir de 23h Marty, minuit DJ Storm, 1h du mat DJ Gus. Et à 4h jusqu'à 5h, ce sera Pierre Théry pour clôturer cette soirée. Et puis je vous rappelle également qu'aujourd'hui, eh bien, nous fêtons les vinyles. C'est le Vinyl Day. C'est un rendez-vous à ne pas manquer chez tous les disquaires indépendants. C'est un rendez-vous notamment chez Phil, que vous retrouvez d'ailleurs tous les mercredis pour l'émission 100% vinyle entre 19h et 20h avec Will Turner. Rendez-vous à ne pas manquer à son magasin BPM Encore. Ça se trouve à Wemobac avec entre autres 15 DJ qui mixeront, notamment Michael H, Digitom, Andy Clay et Michael Forza. Entre autres, c'est un rendez-vous à ne pas manquer là-bas jusqu'à 3h du mat. Galaxy. L'esprit électronique. L'esprit électronique. Better.

Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec Audio Jack à l'instant, c'est la quatrième position avec ce numéro 1 également, ça perd encore de place cette semaine hein. Vibrate numéro 4 et numéro 5 juste auparavant, la meilleure nouveauté pour cette semaine, la meilleure entrée, il y en avait 4 au total, DJ SKT avec Dirty, vous écoutez Galaxy, restez avec nous, le podium c'est dans quelques secondes. Galaxy, Galaxy, on ne fait pas qu'écouter la musique, on la comprend. Sur l'entrée pour la semaine prochaine, c'était In This World avec Patrice Baumel. C'est ce qu'on vient de s'écouter, on avait un petit peu d'avance. Bon, bon, on en profite. Alors, voici le trio tout de suite. Les 20 titres indispensables. Numéro 3. Allez, on est parti. Numéro 3 cette semaine, c'est la plus forte progression. Ça gagne 7 places, le titre de Pig and Dan avec Growler, numéro 3. Days of what down Les éléments titres incontournables numéro 2 cette semaine, c'était nommé Rampin' Me avec Test Like. Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 premiers, les 10 meilleurs pour cette semaine. Numéro 10, le titre de Bessie Grubb avec Baby Dance again, 3 places. Nouveauté numéro 9, la troisième entrée pour cette semaine, Detroit Swindle avec House Music. Numéro 8, ça perd de place, le titre de Clone Vance Rock, le nouveau, avec Mind Your Business. Numéro 7. Edson, numéro 1 de ce classement du Flakez, It's Everything avec Big Disc, ça perd 3 places cette semaine. Place au moins, numéro 6, Jen Faris avec Time. Numéro 5. C'est la meilleure entrée pour cette semaine, DJ SKT avec Dirty, numéro 5. Place au moins cette semaine pour Audio Jack, c'était un ex numéro 1, c'était numéro 1 il y a 15 jours en fait, Vibrate numéro 4. Numéro 3, la plus forte progression, cette place de mieux, numéro 3, c'est Pig and Dan avec Growler, numéro 3. Numéro 2, 2. Et enfin, numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes. C'était Nomi Rampa and Me avec Test Like. You hum and purrs, parting ways with your tongue. That bit of hellified laughter that pushes past her inside. Behind the dark room, beauty mark it up, liquid animal fire. Galaxy. Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Pas tout le monde, pas pour la semaine dernière, c'est toujours numéro 1, c'est la reprise de Nina Simone. Souvenez-vous, dans les années 50, c'était Thin Line Woman avec Delis Cruz, numéro 1. It's as close to God as I know. These are lovely, the structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's... And so the whole fucking lot. Just in red, wear a rag on her head. See la woman, just in red, wear a rag on her head. Tout comme la semaine dernière dans le Flycase, c'était Denis Cruz avec C-Lide. Flycase. Voilà, le Flycase est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h jusqu'à 18h. Dans un tout petit instant, Matt Levatou avec plein de nouveautés. Bah oui, c'est le Discardé, alors plein de petites galettes pour vous. Tu auras l'occasion d'en parler d'ailleurs, Discardé. Est-ce que tu as acheté le vinyle limité de Johnny Hallyday? Bien sûr, il est à côté de celui de... Fin... Francky Vincent. Ah voilà, c'est celui que je viens de voir dans le Flycase. Bon allez, on y va, on est parti. Ciao, à la semaine prochaine.